Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va y aller avec nos prix orange et citron. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Évidemment, il a pris une pause parce qu'il était par ici, dans le haut du lac. Les dernières semaines, ça y prenait beaucoup de son temps, mais ça a été un succès retentissant. C'est la marche du gros disque édition Lac Saint-Jean, parce qu'il y a deux éditions. On en parle avec Marc Diquet. Salut, Marc. Salut, Danny. Ça va bien? Oui, ça va bien. Édition Lac Saint-Jean, ça a très bien été, hein? Ça a été un gros succès, là. Moi, je m'attendais, tu sais, première année comme ça, je me disais, ben, si on a 4000, 5000, ça va être formidable, tu sais. Mais ben non, on a eu 14 860, peut-être même un peu plus. Là. Fait que c'est extraordinaire. Là. La réponse des gens a été phénoménale. Le parcours était le fun. Les autorités qui m'ont aidé à rendre ça possible, les commanditaires, vraiment, là, ça a vraiment été une très, très belle édition. Puis la météo a été bonne également. Puis les ambassadeurs ont été géniaux aussi. Là, fait que c'était vraiment le fun. Là. Ben écoute, qui 97 est très écouté au lac Saint-Jean. Puis ça a dû aider quelque part, là. Oui, puis il y avait également de la promotion qui se faisait à Planète. Fait que on était doublement couverts là-dessus, puis ça a apparu, là. C'est sûr que ça a apparu. Puis déjà, il y a plein de monde qui va faire leur service pour m'aider l'année prochaine, puis qui veulent ramener du monde l'année prochaine, puis tout. Puis il y en aura une l'année prochaine, là. Ça, c'est sûr et certain. Là. OK. Donc, on va surveiller ça d'après. Donc, Marc, 14 800, c'est ça? Oui. Est-ce que ça va être dans le haut du lac, ce coup-là? Non, ça reste au même endroit. Okay. Ça reste au même endroit, je peux pas commencer. Ouais. Parce que faire un tracé, c'est pas évident. Puis tu sais, le chemin est fait, là. Fait que j'aurais pas de. Tu sais, mais je dis pas non de m'amener dans le haut du lac, là. S'il y a de l'intérêt, les gens savent comment me rejoindre, là. Ouais. Mais pas à court terme, là, ça c'est sûr. Là. Mais écoute, parce que c'est tellement de l'organisation que tu sais, je travaille à travers ça, tu sais. Ben oui. Fait que je peux pas vraiment. Mais comme je te dis, s'il y a de l'intérêt, on peut voir, c'est sûr et certain. OK. Marc, on va recommencer notre bonne habitude avec nos prix orange et citron. J'ai l'impression qu'on va avoir le même prix orange. Ben, ça se peut, les Raptors. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, c'est incroyable. Non seulement. Tu sais que les Raptors ont gagné le championnat, que le DG là-bas ait pris des chances incroyables en congédiant son coach, en mettant l'adjoint qui est là, en allant chercher un joueur récalcitrant qui s'appelle Kawhi Leonard, en faisant des grosses transactions, ben, il a remporté son pari. Il a remporté son pari pas à peu près. Mais ce qui m'a assommé là-dedans, Danny, pour que j'ouvre mes bulletins de sport au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec les Raptors, jamais j'aurais fait ça. Ben jamais, parce que tu sais, il faut y aller avec l'intérêt des gens, là, avec nos goûts personnels. Là, jamais j'aurais cru ça. Puis ça a été le cas à partir de la la finale, ça a été le cas. Puis tu sais, demi-finale, je parle de la Coupe Stanley, puis c'est les Raptors tout après, tu sais. C'est rare qu'on voit ça, là. C'est vraiment rare. Puis chapeau aux gens qui ont embarqué là-dedans. Puis chapeau à RDS. Les gars à RDS ont fait une job. Tu sais, RDS a commencé, écoute, les bulletins, les éliminatoires de la NBA avec 33 000 d'auditoires. Ils ont fini avec 410 000. Hey, c'est incroyable. Les gars en place à RDS ont fait une maudite belle job. Tu sais, souvent, on est sévère avec certains réseaux sportifs. Mais non, RDS ont fait une job incroyable là-dedans. Puis ça a été bon pour tout le monde. Là. Ça a vraiment été bon pour tout le monde. Puis écoute, moi, j'ai hâte de voir la suite des choses, là. Mais parce que le basketball, on dira ce qu'on voudra. Là. C'est un sport qui est facile à écouter. Ouais. C'est un sport que, sans être sexiste, c'est un sport que les femmes peuvent facilement embarquer là-dedans. C'est un sport qui est tout le temps mouvant, contrairement au baseball, contrairement au football. Tu sais, le football, c'est pas de base de règlement. Là. T'es foutu, là. Ouais. Basket, il n'y a aucun problème. C'est très facile. Il n'y a aucun problème. C'est très facile. 2 points, trois points, puis lancer frais. Bon, il y a rien que les fautes, des fois, qu'on comprend pas toutes, mais ça, regarde, c'est la job des analystes de le faire rendu là, tu sais. Ouais. Mais non, ça a été vraiment bien, là. Ça a été vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai hâte de voir aussi sur la suite pour voir l'intérêt que ça va porter aussi, là. Est-ce que c'est. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, mais. Puis ces médias sociaux, je me suis debassé, puis ils disaient ça. C'est des gens qui sont des Ben Wagon, puis qui, l'année prochaine, s'intéresseront un peu au basket. C'est vrai. Mais s'il reste 5% de ça, c'est très bon, là. Les Blue Jays. T'as raison. Les Blue Jays, là. Moi, je suis un partisan des Blue Jays. Je suis un fan, puis j'y suis même. Ils vont avoir 100 défaites cette année, puis je les suis pareil. Puis je suis un amateur de baseball, je suis un maniaque. Puis c'est pas grave. Je suis certain qu'il reste quelque chose de 2015-2016, moi. Non, puis il y en a, Danny, que, tu sais, là, quand ça suit un sport un peu underground, c'est comme, on va prendre mon exemple, OK? Ouais. Je suis probablement un des rares personnes, les Bengals de Cincinnati dans la région, là. Bon. Ouais. Je suis le seul. Supposons que les Bengals. Il y en a une couple. Supposons que les Bengals se rendent au Super Bowl, OK? Là, je vais voir plein de petits Bengals poussés partout, tu sais, là. Mais tu sais quoi? Il y en a pour qui voient ça? Hey, c'est à moi, ça, t'as pas d'affaire à ça, t'es dans le même wagon, Non. Pas à toi, là. Ça appartient au peuple, le sport, là. C'est tellement. Tu l'as dit tantôt. Si tu vas chercher un 5%, c'est parfait. C'est comme en musique. En musique, on voit le même cas souvent, là. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais des groupes un peu plus underground. Puis quand ça jouait à la radio, je venais en sacrement. Ben, c'est sinon, là. Ça t'appartient pas, merde. Non, mais c'est pas grave, là. On est des adultes, on devrait comprendre ça. Mais il y en a des. Ah ouais. Y a même des adultes, des fois, que je me suis flushé cette semaine par le plus gros partisan des Expos au Québec. Parce que je commence à parler de basketball. Puis lui sentait menacé. J'ai l'impression qu'il se sentait menacé. Puis que, parce qu'on parlait moins du retour des Expos, puis ainsi de suite. Mais ça n'a pas de rapport. Ça enlève absolument rien. Absolument rien. Au retour des expos, ce qui se passe ben là. Mais non, puis on peut-tu slacker un tour sur le retour des expos, là? Je veux dire, à ce que je cherche, là, il n'y a pas de programme double demain contre les Braves d'Atlanta. Ben expos, non, là, c'est ça. Fait que, tu sais, regarde, on peut-tu triper un peu? On a-tu le droit de triper? Puis c'est-tu le fun un peu? Puis ça fait. Ben, bon. Ça fait depuis. Ben moi, j'ai inclus la MLS des sports majeurs, mais c'est depuis 1993, si on n'inclut pas la MLS avec le Toronto FC, qu'une équipe canadienne n'a pas remporté un championnat, de tout droit? C'est embêtant si on peut l'inclure, la MLS, là-dedans. Moi, je l'inclus. Une question parce que, ben, moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. La seule différence, c'est que quand on compare le football, le basketball, puis le baseball, c'est les meilleurs au monde. La MLS, c'est pas une ligue de meilleurs. Non, sauf que le soccer est un sport tellement un sport amateur, ça dépasse le hockey, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le hockey. Je pense que le soccer, puis je vais te faire une prédiction, d'ici 10 ans, ça va dépasser la Ligue nationale en termes de revenus. La MLS? Oui, aux États-Unis. En termes de revenus, je te parle en termes de revenus, là, en monnaie, là. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Tu vois que le soccer va exploser. Avec la présentation de la Coupe du Monde, là, le soccer va exploser aux États-Unis. Ah, mais on disait ça, la Coupe du Monde en 94 aux États-Unis, puis ça n'a pas. Mais ça a créé la MLS pareil. Puis c'est un jeune circuit encore, la MLS, faut pas oublier ça, là. Ah, moi je suis un fan de la MLS, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais comme je te dis, j'ai hâte de voir, là. On verra avec le temps. C'est sûr qu'une ligue, ça se construit pas en. Tu sais. Une ligue, sa popularité, ça peut prendre 20 ans avant de se construire, 30 ans avant de se construire. Ouais. On parle d'une génération. C'est à peu près ça. Ray Lalonde disait ça, une génération. Et quand on regarde les Raptors, c'était une génération d'ailleurs. C'est Vince Carter, c'est tout ça. Puis moi, je pense que le basketball au Canada, ça va exploser. Mais ça dépend d'une chose, Danny. Ouais. Ça dépend d'une chose. Cette chose-là s'appelle Kawhi. Plus que ça. Les Raptors, ça ne signe pas Kawhi. Puis, tu sais, j'entendais du monde dire, mais ils ont quand même une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe, là. Mais si t'enlèves Kawhi de là, c'est comme si t'enlèves Crosby avec les Pingouins, là. C'est plus la même équipe, pas en tout. Le Canada, d'ici 3 ans, d'ici les prochains Jeux Olympiques, va être une des puissances au basketball. Regarde les joueurs canadiens qui sont dans la NBA, qui sont des vedettes, qui vont devenir. R.J. Barrett, c'est le meilleur joueur. Regarde les joueurs canadiens qui sont dans la NBA. Et l'impression qu'aux Jeux Olympiques, ça va être une manne. Après le Dream Team, ça va être la meilleure des autres. Ils ont des bonnes chances d'être la meilleure des autres. Ouais, mais il faut faire attention des pays en Europe que c'est fort aussi. Puis ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est sur le nombre de participants sur les jeunes. Parce qu'on parle beaucoup du soccer, ça coûte pas cher. Mais le basketball, ça coûte pas cher non plus. Un panier, un running shoot, puis bingo. Ouais, t'as raison. Fait que non, j'ai hâte de voir. Puis mon premier orange, c'est la même affaire. Puis mon deuxième premier orange, je vais y aller, je vais enchaîner un petit peu. Ben, c'est plus un clin d'œil à Jerry Rochon qui est décédé cette semaine. Oui, un phénomène, hein? Jerry Rochon, écoute, tous pour un, les stations de radio ont repassé. C'est un phénomène, ce gars-là. Là. Il disait j'écoutais quelqu'un qui disait qu'il connaissait sur le bout de ses doigts 26 sports. 26 sports. Ouais, puis Jerry Rochon, il ne faut pas oublier une chose. Il y a eu un impact dans la culture populaire québécoise parce que, si vous avez vu le film Les Boys, là, le personnage de Paul Hood, de Fern, le gardien de but. C'est inspiré sur lui? C'est Jerry Rochon, carrément. Là. Tu sais, il parle un peu comme ça. Puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, Jerry Rochon, je me souviens. Tu sais, il arrivait à la TV avec ses grosses lunettes, puis. C'est passé en 53. Je prends une chance avec Bert Capazzini. Tu sais, avec son gros accent. Ah non, c'était quelque chose. Là. Ouais. En tout cas, c'était quelque chose. T'avais-tu un autre pionnier, toi? Hey, passant à Danny, tu sais, j'ai déjà battu Jerry Rochon. Hein? Ah ouais? Te souviens-tu l'émission de sport à CKRS avec Pierre Trudel, Mario Tremblay? C'était les amateurs de sport. Parlons sport, c'est ça. Et à un moment donné, quand il y a eu la Jerry Mania, ouais. Il y avait un segment où il appelait ça défi d'expert. Oui, je me rappelle. C'est posé deux questions. Puis moi, j'avais comme allumé sur quelque chose. Jerry Rochon, là, pense-y pas, dans 1956, qui a marqué un but alors qu'il était 8h20, un mardi. Ben là, tu sais, quand même. Il l'avait. Hein? Mais moi, ce que j'avais remarqué, le hockey récent, il l'avait moins. OK. Fait que j'avais demandé, tout simplement, en quelle ronde les Flames ont repêché German Titov. Titov, c'était en 6e ronde, je pense. C'était en 11e. 11e, OK. Il m'avait répondu à 2e. Là, je l'avais eu bien raide avec ça. Les repêchages récents, là, ils n'étaient pas là. Il n'était pas encore okay. rendu là. Écoute, quel phénomène. Quel phénomène. Puis, moi, mon deuxième prix orange, je vais avec la LNH. OK. On a craché ses arbitres cette année, puis moi je pense que le problème, ça a été le support de LNH à avoir des arbitres bien avant. Là. Mais on a eu une belle finale. Puis la parité au hockey, je pense qu'on voulait atteindre une certaine parité. Les sports veulent ça. Les ligues sportives ne veulent plus. Je pense qu'ils veulent plus de dynastie. Je pense qu'ils veulent des parités. Ça le dit, les capes salariales. Avec les capes salariales, c'est rendu très difficile de faire des dynasties. Oui, mais hey, les Blues qui gagnent la coupe, t'aurais-tu gagné là-dessus? Non, surtout là, le premier. Ben oui, puis là, chez moi, au mois de janvier, là, à 20 séries, là, même à 20 séries, tu fais ton cas, on a eu, là, t'aurais-tu cru que les Blues auraient gagné la Coupe? Jamais dans 100 ans. Non. Jamais. Puis je pense qu'on a eu des séries cette année qui vont marquer l'histoire. Parce que, regarde la première ronde n'avait juste pas d'allure. À mon avis, la meilleure équipe sur papier qui a traversé les séries, c'est Boston. Puis ils s'en vont perdre contre Saint-Louis. C'est incroyable. C'est incroyable, anciennement. Moi, j'avais prédit Saint-Louis. On va se vanter un petit peu. J'avais prédit Saint-Louis à ça. Fait que je suis bien content de le dire. Pour une fois que ça marche. Ouais. Ton prix citron? Les Américaines à la Coupe du Monde de soccer. Très haut, c'est bon ça. C'est 13-0 contre la Thaïlande. Pauvre Thaïlande. Ouais. Écoute, on bat 13-0. Puis au 5e, puis au 8e, puis au 9e but, on marque comme si c'était le but gagnant de la finale. On célèbre, on fait les ailes de l'avion, puis on se glisse à terre, puis tout. Hey, les filles, là. Puis oui, tout le monde a des joueurs de ne pas faire ça, là. Tu sais, je sais pas quoi ils ont pensé, là, mais c'était pas. C'était pas fort. Puis en plus, l'analyste de TSN, qui s'en va de décrier ça, qui reçoit des menaces de mort. OK. Tu serais fou, Simonac. Tu fais pas ça. Quelqu'un, le score est fini. Tu vas pas célébrer. Tu sais, tu fais attention. Là. C'est sûr qu'à partir de 5-6-0, il aurait pu lever le pied. Le levage de pied, il faut faire attention aussi. Là. Si t'as un filet désert en avant de toi, tu ne sors pas plus non plus. Là. Ouais. Mais tu sais, au moins, marque ton but. Puis regarde, un petit high five. Puis après ça, tu recommences. Tu fermes ta gueule. Tu marques ton but. C'est comme un souper chez la belle-mère. Là. Tu marques ton but. Fais pas d'affaire de même. Là. Moi, je vais rester à Toronto avec mon prix citron. Ross Haskins, c'est des Blue Jays de Toronto. C'est incroyable ce qui se passe. Et on va avoir 100 défaites cette année. Tu sais, cette organisation-là ça les choses. Pas l'impression. Puis, tu sais, on parle beaucoup des jeunes, puis des jeunes, puis des jeunes, puis des jeunes. Ben, à quelque part. Pas sûr, il n'y a rien de garanti qu'ils vont se développer à 100%, ces jeunes-là. Là. Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup les réseaux des filiales. Puis, oui, on a Vladimir Guerrero, mais dans les 100 premiers, c'est pas les Jays qui dominent. Là, ils sont loin d'être dans les premiers espoirs. Fait que, tu sais, quelque part, cette organisation-là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec le succès des Raptors. Parce que j'ai l'impression, depuis qu'Alex Antopoulos est parti, Marc, ça dort. Écoute, non, moi, un joueur intéressant qui est arrivé à Toronto depuis que c'est maintenant la nouvelle direction, il n'y en a pas. Mais tu sais, faut faire attention. C'est pas Antopoulos qui a échangé Syndergaard pour RJ Dickey. Ouais, mais ça a donné deux championnats. Tu sais, à un moment donné, tu sais, Syndergaard pour tous les joueurs, là, ça a donné deux championnats. Fait que, est-ce que Syndergaard valait deux championnats? Ouais, mais t'as peu, là, des championnats de division. Ça a mais ça a rallumé la flamme, ça a, le St. Rogers était plein, tu sais, ça parlait de baseball, il y avait Danny, c'est-tu à cause d'RJ Dickey qui a été très mauvais avec les Jays? Non, mais après ça, David Price était, tu sais, quand il était chez David Price, Oui. Ouais. Mais, puis, tu sais, moi, les classements des meilleurs espoirs, il faut faire attention aussi, tu sais, parce qu'il y en a des fois qui vont flopper là-dedans, qui sont top 10. C'est pour ça que c'est ça que je te dis. Vlad Junior montre des choses très intéressantes. Ah, puis, quand t'as un joueur d'impact, puis Vlad Junior, je pense que ça sera un joueur d'impact, c'est facile de bâtir à côté. Quand t'as pas de joueur d'impact, dans n'importe quel sport, t'as bien beau bâtir, il va toujours te manquer à petite coche, tu sais, puis Biggio, je pense que ça va être pas pire. Bichette, à un moment donné, il va finir par se faire rappeler. Mais tu sais, t'as pas de lanceur partant. Dans le réseau des filiales, t'as même pas un lanceur, on voit même pas un lanceur qui est prêt premier ou deuxième dans une rotation. Tu sais, il n'y a rien qui garantit là, que ça va être. Rien qui garantit que ça va être. Dans les prochaines années, ça va être très fort. Là. Non, t'as raison. Il n'y a rien qui garantit. Mais écoute, si t'entoures le moindrement tes jeunes joueurs, parce que t'as de base de joueurs prometteurs. Là, souviens-toi des expos. Tu sais, on nous parlait dans le temps de Will Cordero, c'est la plus belle invention depuis le Cheese Wheels. Il était bon, mais ça n'a pas été le joueur. Cliff Floyd, moi je me rappelle surtout de Cliff Floyd. Cliff Floyd, il a eu une belle carrière. Lui on avait mis de la. Cliff Floyd, écoute, c'était le meilleur joueur. Je me rappelle, j'étais abonné à Baseball America dans le temps. Puis ce qu'on disait, c'est qu'il était. On le comparait à Willie McCovey. C'était un nouveau Barry Bonds. Oh, c'était un nouveau Barry Bonds. C'est pour ça que je te dis que Monday, là, c'est pas encourageant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que le succès des Raptors va forcer les Blue Jays à se grouiller le derrière un peu? Ouais, mais je trouve ça va, Danny, quand tu dis que c'est pas encourageant. Tu sais, il fallait le prévoir à la saison de merde. Puis, on va te dire une chose. T'as vu les situations décourageantes, là? Il y en a une dans la région présentement. Là. Quoi? Les voyageurs. Puis j'ai parlé à Martin Pouliot au début de la saison. Puis Martin Pouliot a fait une sortie musclée contre la Ligue. Que les gouverneurs, ça n'aide pas l'équipe pantoute. Puis que la Ligue devrait mettre ses culottes. Puis il a raison. Tu sais, que les voyageurs soient en construction, c'est une chose. Mais de perdre des 14-0 ou des 18-1, ça en est une autre, tu sais. Puis moi, ma peur là-dedans, c'est OK, oui, il fallait s'y attendre à une saison difficile des voyageurs. Mais tu sais, les jeunes qui sont là, il faut que tu les gardes. Il faut que tu leur donnes le goût pareil de continuer. Puis Martin Pouliot, présentement, moi, je trouve que c'est quasiment un saint, ce gars-là, là, de continuer avec une équipe comme ça. C'est bon, c'est tu sais, puis avec l'adversité, tu sais, quand l'adversité vient de la Ligue, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Puis Roger, il vote comme commissaire de la Ligue. J'ai l'impression que c'est un gars qui est là rien que pour son nom de la site. Ben, c'est souvent ça. Hein. Moi, je sais pas, Roger, je sais pas du tout. Là. Sauf que je sais une chose, c'est qu'il y avait un certain Richard Morancy dans le temps de la Légion 3 qui était juste là parce qu'il connaissait son. Parce qu'il s'appelait Richard Morancy. Est-ce que Roger est pareil, je sais pas. Parce que, tu sais, Jonquière, le problème dans cette ligue-là, c'est que c'est l'équipe la plus loin. Hein. T'as-tu déjà remarqué, Danny? Les équipes les plus loin, là, sont dans n'importe quel sport, ils n'ont jamais vraiment le gros bout du bâton. Là. Non, effectivement. Je suis très d'accord avec toi. Marc, très intéressant. Bien content d'être revenu. Bon repos. J'ai vu que tu étais en congé pour quelques jours, bien mérité. Comment t'as trouvé Saint-Prime en passant hier? Hey, c'était le fun. Oui, hein? Que c'était beau. Tu sais, moi, j'étais un nouveau joueur de golf. Je suis pas très. Écoute, avec le driver, je fais pitié, là, mais c'est les coups d'approche, puis le putter, je m'améliore. Là. J'ai beaucoup de travail à faire, mais quel beau club de golf, sérieusement. Ben, le décor, l'arrière-plan, là, c'est quelque chose. Là. Ah, c'est quelque chose, certain. Puis, tu sais, moi, je regarde, je passe du Saguenay. Ça m'a pris 1h10, me rendre. C'est à côté. Là. C'est pas loin. Effectivement. Marc, très intéressant, on s'en parle bientôt. Yes. Collaborateur Marc Diquet.